il contient des versets, c'est de la barbarie, il contient... تعلمون طعونات الكفار الله سبحانه وتعالى le qualifie de shifa wa rahma فلا تغتر بأعداء الله وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة شفاء ورحمة donc il était utile في الدنيا وفي الآخرة لكن أكثر الناس لا يعلمون وقال عليه الصلاة والسلام إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. Deux choses, le professeur Hassan nous a délaissé. Si tu t'accroches, Akhil Karim, tu ne t'égareras pas. Ça montre, Anna, si tu ne t'accroches pas au Coran et à la Sunna, c'est une cause d'égarement. Fattamassouk, attamassouk. Wa qala alayhi salatu salam, taraktukum ala al-bayda, layluha kanahariha, la yazigu anha, illa halik. Ça te montre, Akhil Karim, Anna ka fil haqiqa, tu n'as pas le choix. Là, t'agtar l'an, tout ce qu'on entend, mais l'al-kafara, annahum, ils veulent démontrer que t'es libre. T'es libre, si tu veux l'islam ou si tu veux pas l'islam. Adala. Al-Nabi sallam, il te montre exactement l'inverse. Et anta, t'es un musulman, t'aime al-Nabi sallam. Wallah subhanahu wa ta'ala, amrak, bi-ittiba'i. Ya ayyuha alladhina amanu, ati'u Allah wa ati'u al-Rasul. T'es obligé de le suivre. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah, illa man aba. قالوا ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. Celui qui suit son Nabi عليه الصلاة والسلام il est fil jannah. Et celui qui lui désobéit il le suit pas il est fil nar. لا تغتر بهذه الأفكار. النبي صلى الله عليه وسلم dans ce hadith قال لا يزيغ عنها إلا هالك. Il a qualifié celui qui délaisse ce din, qui délaisse هذا الطريق هذا المنهج البيضاء إلى من الهالكين في الدنيا وفي الآخرة. ففضل عظيم ونعمة كبيرة اتباع هذا الرسول والتمسك بهذا الدين نعمة عظيمة أخي الكريم أكخش توا أسو الدين سوي سو بروفيت إن شاء الله تسوغا في خير في الدنيا قبل الآخرة قال عمر رضي الله عنه أن نحن قوم أعزنا الله بالإسلام أو كما قال رضي الله عنه والإسلام سي الإسلام الحقيقي الذي بعث الله به نبيه صلى الله عليه وسلم إن الدين عند الله الإسلام pas الإسلام que بعض الضلال ils essayent de propager الآن الإسلام de France الإسلام أبدا الدين عند الله c'est الإسلام أي الإسلام qu'il a révélé au prophète عليه الصلاة والسلام الإسلام qui était à l'époque de notre prophète والسلام, ils l'ont appliqué Allah il les a élevés نحن قوم أعزنا الله بالإسلام et c'est exactement le même Islam qu'aujourd'hui le Coran c'est le même le prophète c'est le même on adore رب واحد on a les mêmes règles les mêmes ordres on doit s'écarter des mêmes interdictions فلا تغتر بمحاربة الكفار لهذا الدين il te laisse le même nom لكن il change les fondements et tu t'égares تركتكم على البيضاء النبي صلى الله عليه وسلم il nous a délaissé على هذا الدين تركتكم على البيضاء فتو dois revenir à ce دين que le prophète صلى الله عليه وسلم nous a délaissé pas à un دين que les ennemis du prophète صلى الله عليه وسلم il te montre فانتبه حافظ على هذه النعمة prends l'exemple des 5 piliers de l'islam كما جاء في حديث ابن عمر أن الإسلام بني على خمس الإسلام il est fondé sur 5 piliers الشهادة والصلاة والزكاة والصيام والحج قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث عثمان ابن عفان رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة فضل عظيم le premier pilier si tu le حقق bien sûr avec les conditions qu'on a expliqué beaucoup dans certains durus si tu l'appliques applique cette shahada et t'as la conviction t'as aucun doute et tu donnes de la valeur à ce din inshaAllah ta'ala t'es min ahli al-jannah qala al-allama hafid al-hakami rahmatullah alayh faqayyadaha bil-ilm et bima'naha wa huwa nafyi al-ibada an kulli ma siwa Allah azza wa jal anta t'es un muslim t'es concerné par cette ni'ma tu dis la ilaha illallah et ça implique des choses que t'adores Allah seul que tu détestes et tu te désavoues de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ إِسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى أي لا إله إلا الله يكفر بالطاغوت أي croit pas en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala et mécroit en toutes les religions autres que l'islam et il s'accroche à cette shahada. قال عز وجل فقد استمسك بالعروة الوثقى إن شاء الله يرنت dans ce hadith نعمة. Ça c'est le premier pilier فقط. T'es dans une نعمة. Prends le deuxième pilier الصلاة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات. النبي صلى الله عليه وسلم يتدل لكم cinq salawat, il les compare à un fleuve qui passe devant chez toi. قال هل يبقى من درنه شيء. الدرن c'est الأوسخ. Est-ce que celui qui se lave cinq fois par jour dans ce fleuve, est-ce qu'il va rester quelque chose de sale et des saletés sur lui? قالوا لا يبقى من درنه شيء. Ils ont répondu au prophète صلى الله عليه وسلم, ils ont dit là, là il y en a, il se lave cinq fois par jour. Celui qui se lave cinq fois par jour, c'est fait, c'est le ghaïa dans la propreté. قال صلى الله عليه وسلم فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. Allah subhanahu wa ta'ala il efface tes péchés avec ces cinq salawat. Ni'matun min ni'am Allah subhanahu wa ta'ala. Al hadith fi sahihayn. Fahafid ala hadhihi ni'ma, hafid ala hadhihi salawat. C'est ça ton capital, akhi al-karim. Wallahi anna المال يذهب المال يذهب هذه الدنيا زائلة قل متاع الدنيا قليل أما هذا الخير الآن يوم القيامة c'est ça qui te sera utile, c'est ça qui te sera utile. Et parmi les choses أو les premières choses que tu seras jugé يوم القيامة الصلاة. وقال الله عز وجل في فضل الزكاة قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. Un pourcentage minime dans ton mal. Si tu fais partie des gens qui doivent sortir le zakat, Allah subhanahu wa ta'ala, si tu sors cet argent, les wajihi subhanahu wa ta'ala, c'est une cause en Allah subhanahu wa ta'ala, yutahhiruk wa yuzakkik. Et il te purifie et il te guide. Ni'ma min ni'amillahi azza wa jal. Wa an Abi Ayyub radiyallahu anhu, an rajulan qala lin nabi sallallahu alayhi wa sallam, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Un homme, il a demandé au prophète alayhi salatu wasalam, ya Rasulallah, informe-moi des œuvres, je les fais pour que je rentre fil jannah. قال عليه الصلاة والسلام تعبد الله ولا تشرك به شيئا. Ça explique le premier fondement qu'on a vu. أي لابد من عمل عبادة الله سبحانه وتعالى. قال وتقيم الصلاة. Le deuxième pilier. قال وتؤتي الزكاة. Donc ces choses, c'est une cause que Allah subhanahu wa ta'ala il te fasse rentrer fil jannah. Et chaque musulman c'est son but. Chaque musulman, nahnu walillahi alhamd, on a un din. Et Allah subhanahu wa ta'ala il nous a élevé bi hada din. Nahnu qawmun a'azzana Allah bil islam. Et ce din il est fondé sur des piliers. Ce din il est fondé sur des fondements. Ce din il est fondé sur des principes clairs, sur une voie. Layluha ka nahariha. Cette voie elle est claire de nuit comme de jour. La yaziru anha illa halik. فلا تغتر بالهالكين qui combattent هذا الدين. الكفار ولو ceux qui te font croire أنك t'es libre, t'as le droit d'appliquer ton din, etc. Il croit pas en Jannah, c'est pas son but. Enfin, comment il va te faciliter le chemin pour que tu arrives à ton but أنت. لا تغتر. والله, même ces paroles que t'entends un, c'est que pour leur avantage à eux. أما لا يزالون كما أخبر الله عز وجل يقاتلونك يحاربونك ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا. C'est ça leur but. انت ton but c'est le jannah, eux leur but c'est de te faire rentrer fil nar. حافظ على هذه النعمه الاسلام هذا الدين. Allah subhanahu wa ta'ala il t'a élevé, ne te rabaisse pas. Allah subhanahu wa ta'ala il t'a donné un honneur, une dignité, préserve. Gâche pas tout ça pour suivre des pensées qui contredisent ce bienfait qu'Allah t'a donné. Gâche pas cette ni'ma pour un bienfait minime fi dunya, ou des biens. Là, al-aqil, il préserve toujours son capital. Et ton capital, c'est hadad-din. Ta'ammal al-siyam. An Abi Huraira, radiyallahu anhu, an al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qala man saama Ramadan, imanan wa ihtisaban,

pour l'adorer. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a créé pour qu'on fasse des efforts et Allah il soit satisfait de nous, pas ses ennemis. أَعْدَاءُ اللَّهِ. قَالَ عَزَّ وَجَلْ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَهُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. أنت أخي الكريم تفرح. Allah il te montre c'est quoi qui doit te rendre heureux. Et c'est quoi ton objectif? قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه وقد دار تقوى للسلف على أن فضل الله ورحمته الإسلام. هذا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. C'est ça qui doit te rendre heureux. Et l'imam ibn al-Qayyim il te montre أن السلف ils ont expliqué هذا الفضل وهذه الرحمة بالإسلام والسنة. قال ورحمته الإسلام والسنة. C'est ça qui doit te rendre heureux, أخي الكريم. Et c'est ça qui va te rendre ta dignité, أخي الكريم. قال عمر إن كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام. Ce Islam, on t'a cité un bref aperçu de ses bienfaits, de ses fondements. C'est ça la cause qu'a élevé الصحابة. تعلمون أن بعض الصحابة كابن مسعود رضي الله عنه كان يرعى غنم كفار قريش avant l'islam. C'est lui qui sortait et qui promenait leurs troupeaux, qui s'occupait de leurs troupeaux. ثم avec هذا الاسلام c'est devenu des امراء. واحد الى امير في العراق, واحد الى امير في مصر, واحد الى امير في المدينه, واحد. الله سبحانه وتعالى il les a élevés بهذا الدين. عمر c'est devenu امير المؤمنين. C'est devenu امير المؤمنين. Il a reconnu cette ni'ma رضي الله عنه. Et il a su l'importance de cette ni'ma. فَقَالَ فَمَهْمَا نَطْلُبِ الْعِزِ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَ اللَّهُ بِهِ أَذَلَّنَا اللَّهُ. Ils ont su c'est quoi la cause. Et ce qui nous fait du mal aujourd'hui, c'est كثير من الناس, il ne connaît pas l'importance de son dîn. فَلِهَذَا la moindre chose, رُبَّمَا, et il a des doutes. La moindre chose, c'est un musulman et lui-même il critique l'islam. هذا لأن ce bienfait, إما il est ignoré, إما نعوذ بالله il est combattu بعناد. قال جل وعلا الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. الله سبحانه وتعالى ينص une catégorie qui veulent العزة et la cherche عند الكفار عند أعداء الله. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. Il délaisse ses frères qui sont sur le même dîme que lui. Rubbama, il les critique, il les combat pour satisfaire Al-Kuffar. Qu'est-ce qu'il veut? Tu te poses la question, mais pourquoi il délaisse ce khayr, cette ni'ma, et il s'allie avec les ennemis d'Allah subhanahu wa ta'ala? Qala azza wa jalla yabtaghuna indahum al-izza. Il veut Al-Izza. Il veut la force. Il veut être élevé. Il veut retrouver sa dignité par ce moyen. Qala azza wa jalla fa inna al-izzata lillahi jami'a. Tu te trompes. Wallahi, si tu veux l'izza, tu la trouveras. Illa vidinillah. Fakat. Ihfadillahi yahfadka. Qala jalla wa ala. Walillahi l'izzatu. Walirasuli walil mu'minin. Walakin al munafiqin la ya'lamun. Ça te montre que le premier qisme, c'est le munafiqoun. Ceux qui s'allient aux kuffars et combattent l'islam et ils veulent l'izza عند les kuffars, c'est min al nifaq. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'autre verset, il a démontré que le munafiq la ya'lam. La ya'lam il s'égare. Li'anna il cherche al-izza autre que fait l'islam. Falaysat al-izza, akhi al-karim, hafidhak Allah, fi mukhalafat hadi al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qala Umar, famahma natlub al-izza bighayri ma a'azzana Allah bih adhallana Allah. Si on veut cette izza autre que dans l'islam, autre que dans la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on se fera rabaisser et on sera humilié. Enfin, l'izza n'est pas dans le fait de contredire le Nabi alayhi sallallahu alayhi wa sallam ou appuyer ceux qui combattent le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est tariqa al-khidlan wa al-dhil fi dunya wa fi al-akhira. Qala subhanahu wa ta'ala falyahdhar alladhina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adabun alim. Ceux qui s'opposent à la voie du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam et qui suivent pas ses ordres, Allah subhanahu wa ta'ala les a menacés bihada. An tusibahum fitna. C'est pas l'izza. Il tombera dans le fitna. Qala aw yusibahum adabun alim. Fil akhira. Ma baluk ceux qui l'insultent. Ma baluk ceux qui se moquent. ما بالك ceux qui appuient هذا ils sont libres. ما بالك. Tout ça pour être élevé. Il veut donner une belle image du din. Et في الحقيقة il donne une belle image de lui. فقط. في الحقيقة il défend sa position à lui. فقط. أما il aimerait le Rasoul et il voudrait défendre le Rasoul. أبدا il appuie هؤلاء الكفار في هذا. أبدا. قال عليه الصلاة والسلام وجعل الذل والصغار على من خالف أمري. الذل c'est le contraire de l'عزة. Celui qui veut l'izza, il suit le Nabi alayhi sallam. Celui qui s'oppose à sunnat al-Nabi sallam, al-Nabi sallam il a informé وَجُعِلَ الظُّلُ. Il va être humilié, il va être rabaissé. مَن قَالَ عَلَى مَن خَالَفَ أَمْرِ. أي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن في الحقيقة ces points qu'on cite الآن c'est pour conseiller nos frères المسلمون. أما الكفار أصلا ils croient pas en ton Nabi alayhi sallam, il se moque de lui, aslani il le combat et il le déteste. Fa nahnu haula nasallahu subhanahu wa ta'ala yakfina sharrhum. Lakin nahnu al'an conseil nos frères musulmans. Tu trouves واحد il fait salat, il se prétend musulman, bar rubama sa imam. Thumma il a des paroles et il a des principes qui contredisent din ar-rasoul. Bal il appelle à changer ce din. Il faut un islam qui s'adapte à la démocratie, il faut un islam qui s'adapte à la république, il faut un islam qu'on applique à la sunnah du Nabi sallallahu alayhi wa sallam ou à la manhaj al-salaf. Radiya man radi, et celui qui n'est pas d'accord, fala nubali bih. Nahnu on est là, et Allah il nous a créés pour satisfaire Rabbil Alamin, pas pour satisfaire al-a'da. Et ils ne seront jamais satisfaits de toi, abadan, abadan, sauf si tu deviens comme eux. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة. هذا كلام من إمام كي تفو الخير ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه ليلة دو شيخ الإسلام ابن تيمية. هؤلاء يتفلت الخير أئمة الدين يتمنطق أن المقصود si tu veux العزة tu veux ta dignité tu veux ton honneur c'est في متابعة الرسول. Il n'y a pas d'autre chemin. Abadan, il n'y a pas d'autre chemin. Tous les autres chemins qui s'opposent à son chemin, c'est سبب الذل والصغار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال والمقصود أن بحسب متابعة الرسول تكون العزة والكفاية والنصرة كما أن بحسب متابعته أي متابعة الرسول تكون الهداية والفلاح والنجاة. Tu veux l'izza, akhi al-karim. Tu veux ta dignité. Tu veux un nusra, être secouru. Tu veux kadhalik, être guidé. Tu veux le falah, réussir. Tu veux le naja, être sauvé. Tout ça, c'est fi mutaba'at al-rasoul alayhi salatu wassalam. Il n'y a pas d'autre chemin. La taqdar. Falyahdhari alladhina yukhalifuna an amriha an tusibahum fitna aw yusibahum adhabun alim. Qala فالله سبحانه وتعالى علق سعادة الدارين بمتابعته وجعل شقاوة الدارين في مخالفته. الله سبحانه وتعالى ربك celui qui t'a créé il te montre أن si tu veux être heureux في الدنيا والآخرة suis ce prophète عليه الصلاة والسلام وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. والعكس بالعكس قال ابن القيم رحمه الله فباتباعه الهدى والأمن والفلاح والعزة والكفاية والنصرة والولاية والتأييد وطيب العيش في الدنيا والآخرة. Si tu suis le Nabi صلى الله عليه وسلم الأمن la sécurité والهدى la guidée الفلاح la réussite العزة أي la force ta dignité ton honneur tout ça c'est في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بل حتى في الدنيا قال وطيب العيش. نعم طيب العيش أي حتى دنياك tu seras à l'aise بإذن الله عز وجل ولو تبو tu seras satisfait. لأنك tu sais que t'es de passage فقط كن في الدنيا كأنك غريب t'es de passage et le peu ça te suffit لأنك t'as un objectif c'est دار القرار الجنة. وقال رحمة الله عليه أي ابن القيم ولمخالفته الذلة أي celui qui خالف النبي صلى الله عليه وسلم الذلة والصغار والخوف والضلال والخذلان والشقاء في الدنيا والآخرة. نعم أي لا بيرت il réussira jamais أبدا. C'est notre aqida, c'est notre conviction. فليست العزة في مخالفة هديه عليه الصلاة والسلام أبدا. والله tu seras jamais élevé. ولو تشوفوا بعض الناس الآن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم ربما ils ont des places, ربما ils ont des responsabilités, c'est temporaire فقط. والله ça dure pas. Ce qui dure c'est le haq. Ce qui dure c'est suivre ce prophète عليه الصلاة والسلام. Ce qui dure c'est le jannah. À ma contredire tout ça, ولو en apparence c'est une élévation, فالحقيقة haqiqa ça dure pas. وليست العزة كذلك في أفكار الغرب الأفكار الهدامة أفكار الكفار. Tu trouveras jamais un mu'min qui a cette conviction, être élevé par les principes de ses ennemis. Vous avez remarqué que nous, les a'da, ils combattent nos principes. A'da, ils nous combattent nuit et jour. Ben, leur combat, ils se sont tous mis d'accord, ils combattent notre guide, le prophète, alayhi salatu wasalam. À l'époque, c'était indirect. Al-an, ils combattent directement ton dîn, ton prophète, alayhi salatu wasalam, ou le Coran. Il se moque, etc. Ça veut dire qu'il ne donne aucun respect à l'Ihad. Il y en a celui qui respecte une chose, il ne se moque pas. Si Wahid, il se moque de ta mère ou ton père, khasatan ta mère, c'est la personne que tu aimes le plus après le Rasoul, si quelqu'un se moque, faqat, une ishara, un signe, faqat, sans être direct, tu vas le détester. Il se moque d'une personne que tu aimes. Ou ta femme, ou tes enfants, ton père, ton frère. Il se moque du guide. De l'islam, Rasoul alayhi sallallahu alayhi sallam. Falimada nahnu, on suivrait leurs principes. Les nahoms, ils ont mis des principes, tu dois les suivre. Si t'es pas d'accord, t'es pas bien. Là, nahnu, on a des principes qui étaient présents avant leurs principes. Nos principes, ils datent de l'époque du prophète alayhi sallallahu alayhi sallam. Et on a choisi, hada. Et on est convaincu. Fala tartar bi afkarihim. Qala azza wa jal, wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabil al-mu'minin. Ay, il suit autre que les principes du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ceux qui l'ont suivi, ay les premières générations. Hum al-an, ils démontrent que c'est un islam rétrograde, que c'est un islam qui n'est pas adaptable à la démocratie, qui n'est pas adaptable aux civilisations. Nahnu, on a un Coran. Nahnu, on n'est pas des pantins Haggadah, le premier figure qui vient, il nous prend. Nahnu, on reconnaît que ce islam, c'est une ni'ma, enfin, on s'accrochera et on fera tout pour s'accrocher. Walau kariha al-kafirun. Qala wa yattabi ghayra sabil al-mu'minin. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Celui qui suit autre que la voix du prophète et des compagnies. Ma balouk l'an, celui qui appelle à adapter ce islam avec les fondements des kuffars. Parmi les fondements, tu es libre, tu as le droit de te moquer du prophète alayhi salatu wasalam. Tu ne peux pas reprocher à celui qui se moque. Les Anna, ils ont un fondement, c'est la liberté. Nahnu, on a un fondement, on a celui qui se moque du prophète alayhi salatu wasalam, il est fin nar, si il meurt à la hadal hal. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Vous vous moquez d'Allah, de ses versets. Et de son prophète, alayhi salatu wasalam, قال عز وجل, لا تعتذروا. Ne vous excusez pas. قد كفرتم بعد إيمانكم. C'est ça les principes qu'on a. Nous, nos principes, c'est le Coran et c'est le Sunnah. قال جل وعلا, فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. Tu veux la guider, أخي الكريم, la même aqida que ceux qui étaient avant nous. Les mêmes principes. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ أَيَ الرَّسُولُ وَالصَّحَابَةُ. Celui qui a la même croyance, قَالَ فَقَدْ يَهْتَدَوْ. Il est guidé بِإِبْنِ الْعَزَ وَجَلْ et il sera élevé. قَالَ فَإِنْ تَوَلَّوْ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. Il s'égarera, il ira à sa perte. Celui qui khalif les fondements de notre dîn. فَلَا عِزَّ أَخِي الْكَرِيمِ إِلَّا بِمُعْتَقَدٍ صَحِيحٍ. Pas d'izzah et tu ne seras pas élevé et tu ne retrouveras pas ta dignité. Et là, en revenant à cette croyance qui est citée dans le Coran, Al-Iman billah, Al-Iman bil Malaika, Al-Iman bil Yawm al-Akhir, Al-Iman bil Kutub, bil Rusul, bil Qadr. Notre aqida, notre croyance, elle est fondée sur ces principes. Et tout ça, bien sûr, avec des textes du Coran ou de la Sunna. Qala jalla wa ala, qul illahumma malik al-mulk, tu'ti al-mulk man tasha, wa tunzi'u al-mulk mimman tasha. وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ. Tu veux l'izzah? C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui élève qui il veut. Wallahi, c'est pas le kuffar. Wallahi, c'est pas le nombre. Wallahi, c'est pas en délaissant ton dîn que tu seras élevé. Abadan. قال عز وجل وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. إن إنك على كل شيء قدير. أخي الكريم أخي المسلم médite sur ton Coran. Ce Coran un qui combat, médite. Wallah, il le combat. Et il combat Hadar Rasoul, illa parce qu'ils savent que c'est le haqq. Et ils savent que si on revient au Coran et à la Sunna, on sera élevé. Enfin, ils essayent d'attaquer tes fondements, hatta tu ne reviens pas à la source, et tu restes comme eux. Waddu law takfurun, kama kafaru, fatakununa sawa. Hada, ils veulent que tu deviennes kafir comme ceux des kuffars, hatta tu es comme eux. Là, ils savent très bien que ce din, si on l'applique comme ils l'ont appliqué les sahaba, on sera élevé. Qala al-allam ibn al-qayyim rahmatullah alayhi al-izzatu wal-ulu innama huma li ahli al-iman. Cette condition, tu veux être élevé, on retrouve notre dignité, notre honneur, notre force, on revient à l'iman. Qala alladhi ba'atha Allahu bihi rusula. Ta'ammal kalam al-a'imma. Ay al-iman al-islam que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé à son prophète, pas l'islam qui veut nous imposer l'un. Ils ont trouvé quelques munafiqoun qui propagent leurs idées et qui salissent l'islam et ils veulent nous imposer hada. Soit tu choisis cet islam que eux ils veulent, soit tu es forcément un intégriste, un terroriste, un salafiste et il a akhiré. Chaque jour ils inventent un mot. Là, nous on a un islam, un iman, on est tous obligés de revenir à ce islam. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa ar-rasul. Si tu n'es pas d'accord, on revient au Coran et à la Sunna et on tranche avec le Coran, kalam rabbina et sunnat al-nabi sallallahu alayhi wa sallam. Amma tu tranches avec la vie des kuffar, fa'indana ta aucun poids abadan. Qala Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi alladhi ba'atha Allahu bihi rusula wa anzala bihi kutuba wa huwa 'ilmun wa 'amalun wa hal. Hada, c'est ça. On a des principes, tata'ajjab. Ba'd an-nas avec ce qui s'est passé là, les événements. Ils sont contre les attentats, ils sont contre ces tueries, ils sont contre la dhaya. Ça c'est de la fawda. Ça c'est des fitnes, des troubles. Al-ulama wal-hukam, ils sont contre. On est avec nos savants et nos gouverneurs tant qu'ils sont à la haq. Lakin ils utilisent hada, ils combattent ce batil que nous aussi on combat. Lakin en même temps ils font l'amalgame avec le haq. En même temps. Ils ne s'en rendent pas compte. Quand ils te disent ce Coran, il faut revoir certains versets, ils combattent le Coran. Et le Coran, c'est l'islam. Nous, on lui dit Aslan, le Coran ou le Sunnah, ils n'appellent pas au shor, ils n'appellent pas aux attentats, ils appellent Abedan. Abedan. Enfin, pourquoi il n'est pas adaptable? Léana, pour toi, en fait, ce Coran, il appelle un shor, c'est pour ça qu'ils veulent le changer. Hada, fata'ammalu wa intabihu. Al-harbi ala l'islam. Ils prennent faqat ces excuses فقط pour harab ton din. قال وقال عز وجل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. قال ابن القيم فله من العزة بحسب ما معه من الإيمان من الإيمان وحقائقه. الإيمان لكن الإيمان الحق الإيمان que le prophète صلى الله عليه وسلم nous a enseigné. الإيمان que les sahaba ils ont propagé. أما deux islam, un islam qui était à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam et un nouveau islam, l'un et l'ancien il est plus adaptable, ça c'est min ash-shar. Inna ad-din 'inda Allah al-islam. Il y a un islam واحد. Celui qui n'a pas les épaules pour propager, celui qui n'a pas les épaules pour être franc et montrer hada, wallah il se retire et il se tait ahsan. Lakin al-an c'est une époque, c'est une période avec ses troubles, al-munafiqun yadhharun. Tu trouveras beaucoup l'un, beaucoup. والأحسن celui qui a les épaules il se tait et il fait le dua. قال اي انتهى كلام ابن القيم فالحذر الحذر من الافكار الهدامه. Fais attention اخي الكريم. والله ce harb الان qui font l'islam avec ses afkar c'est plus dangereux que le harb qu'ils ont fait à l'époque, les colonisations et ils envahissaient les pays musulmans. الحقيقه ce premier harb quand ils combattaient les musulmans avec les armes, les colonisations, etc. Tu trouves que les peuples des musulmans, ils détestent le kuffar. Il est chez lui, dans son pays. Un ennemi vient et il veut envahir son pays, il veut prendre ses richesses, il veut. Tu trouves que Al-Awa, ils détestent le kuffar. Ils ont vu que cette méthode, elle ne marchait pas. Al-An, c'est une méthode plus dangereuse, c'est Bil Afkar. Tu restes dans ton pays, lakin il combat tes pensées. Tu restes dans ton pays, Rabbana, tu es d'accord avec lui. Fal-Hadr,

قال جل وعلا إن الذين توفاهم الملائكة ظالم أنفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الأرض مدلولين احتقار إهانة. C'est ce qui se passe l'un des bilans musulmans. Agression de sœur. Pourquoi il agresse cette sœur? Parce qu'elle a une apparence de l'islam, le hijab. Il n'ira jamais agresser une. L'apparence, elle n'est pas de l'islam. Ça montre que le harb, il est contre l'islam. Pourquoi il attaque la mosquée, le masjid? Pourquoi il n'attaque pas une maison quelconque? Il y en a ce masjid. C'est un emblème parmi les emblèmes de l'islam. Naam. Tout ça, c'est quoi la cause? Al-iqama fi bilad al-kafar. Falihada qala azza wa jal. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أي سوء انجست envers eux-mêmes لأن يفيهم milieu des ennemis d'Allah قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين أي on est en faiblesse لكن c'est toi qui est la cause c'est toi c'est normal t'es en faiblesse t'es au milieu des ennemis d'Allah عز وجل. Est-ce que t'as entendu une agression de sœur dans un pays musulman? Est-ce que t'as entendu ils détruisent une mosquée dans un pays musulman? أبداً الخير اللي حاصل ولو يا جشر. Et nous, on est conscients de hada. Il y a des injustices, il y a des choses. Lakin, tu peux les régler. Nasiha, et tu es responsable de toi-même. Tu peux appliquer ton din, malgré toutes ces injustices. Amma fi wasat al-kuffar, abadan, tu es touché dans ton din. Une sœur qui finit à l'hôpital, une mosquée qui est détruite. Limada tout ça. Limada tout ça. Li anna mukhalafat al-Qur'an, ça fait du mal. Allah subhanahu wa ta'ala qala, qalu, alam takun ardullahi wasi'atun fatuhajiru fiha. La terre d'Allah, elle est vaste. Qui sait qui t'a dit de rester au milieu? Tumma, je te plains. Nas Allah subhanahu wa ta'ala an yufarrij an ikhwanina. Fal'izza, akhi al-karim, fi ittiba' al-haq. Celui qui veut al-izza, il veut retrouver sa dignité, il veut appliquer son din bi-haq, tout ça, c'est l'ittiba' al-haq. Et l'haq, c'est qala Allah, qala al-rasoul. Tout ça avec la compréhension des salafs et revenir à nos savants. Celui qui veut al-izza, kadhalik, il revient à ahl al-ilm. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. نحن نادي savants ils nous veulent notre خير et ils connaissent le Coran et la Sunna et والله ils te conseillent que parce qu'ils veulent ton bien. On doit revenir à هؤلاء. أما revenir à des munafiqoun, revenir à des kafara, revenir à des gens qui nous combattent, comment tu veux revenir à lui il veut ton mal. Là reviens à ceux qui te veulent ton خير et والله علماء الأمة ils veulent notre خير. لكن أكثر الناس لا يعلمون فعلى كل حال ننصح جميع إخواننا بالحفاظ على هذه النعمة نعمة الإسلام نعمة السنة فأخي الكريم تمحسود تدريني كمخون هذا أن بعض الناس يفل تنفيس النعمة جاء في الحديث أن حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا تمدخل أن اليهود يحسدون المسلمين على السلام والتأمين هذا كلام حق هذا كلام دون النبي صلى الله عليه وسلم أن السلام le fait qu'on dit salam alaykoum et on dit amin fi salah ils sont jaloux ma baluk toutes les autres ni'am qala azza wa jalla waddu law takfurun kama kafaru fatakununa sawa waddu ça vient de le mawadda ay ils aimeraient que tu deviens kafir comme lui c'est ce qui se passe là لأن ils savent très bien que le kuf c'est en délaissant le Coran et la Sunna et en délaissant la voix du prophète sallam allez hada ils combattent ces choses qala jalla wa ala hatta idha jaa ahaduhum al maut قال رب ارجعون. On finit cette kalima avec ce verset لعل ça fait réfléchir. قال جل وعلا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون. اعلم أخي الكريم qu'on va tous passer par cette étape la mort. قال رب ارجعون. بعض الناس après la mort son souhait ça sera de revenir في الدنيا. لماذا? Pourquoi il veut revenir في الدنيا alors que des années il est resté sur cette terre. قال جل وعلا لعلي أعمل صالحا. Ça c'est كلام de cette personne, elle veut revenir. لماذا? قال لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فأخي الكريم أنت الآن تعلمون أن باب التوبة il est ouvert avant la mort. الآن الله سبحانه وتعالى celui qui fait التوبة il accepte. Fais des efforts. Fais des efforts avant de te retrouver dans le cadre de cette personne. لأن après la mort لا ينفع. الآن il veut revenir. Est-ce qu'il veut revenir pour manger? Est-ce qu'il veut revenir pour profiter? Est-ce qu'il veut revenir pour... Il veut revenir une chose, il veut faire. قَالَ لَعَلِّ أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتُ. وَالْعَمَلَ الصَّالِح c'est l'amal qui est sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَالْأَنْ هَذَا الرَّجُلْ أَوْ هَذِي الْمَرْأَةِ ils veulent revenir pour appliquer ce dîn. Applique-le un tel un. Il y a une force. Tu as une possibilité encore. Ou alors tu as fait des erreurs, ou alors tu as délaissé certaines choses. بَابَ التَّوْبَةِ